Dieu, Dieu, grand Dieu, sois sensible.

laissez moi cela me fait perdre des fois un déjeuner caché dans la nuit éternelle un forfait qui vous rend l'horreur de l'univers quand je crois prisonner les dents d'une machine c'est votre fidèle de chair vous rendez votre fils la bourbonne et son père puis je se traite affreux reconnaître ma Votre époux, l'auteur de ma naissance, a reçu la mort de mes mains. Injuste Dieu, cruel destin, c'est vous qui dans le crime entraînez l'innocence. Alcide expire consumé. Vous avez allumé couvert de la robe fatale il marchait à l'hôtel une flamme infernale tout a coupé l'être ses sens il venait la lumière et tout fait Et son excité, la pitié des mortels.